S.com. L'émission Les bouquins d'abord vous est présentée en direct du Centre des congrès dans le cadre du Salon international du Livre de Québec. Bienvenue à l'émission Les bouquins d'abord en direct du Salon du Livre. On est ici pour une heure et demie devant l'entrée intérieure du Salon du Livre. Venez nous voir, restez à l'écoute. Aujourd'hui, on va rencontrer beaucoup d'auteurs. C'est la fin de semaine, vu qu'un auteur au Québec ne peut pas juste vivre de sa plume. On en rencontre bien plus la fin de semaine qu'en semaine. C'est la quatrième émission et aujourd'hui, vraiment, menu serré. J'ai déjà Geneviève Peterson ici avec son très beau livre « La déesse des mouches à feu ». Bonjour. Bonjour. Et je reçois après Hélène Dorion, Pierre Breton, Louise Dupré, Lionel Noël. Il y a Yves Rousseau, un des collaborateurs de l'émission, qui va venir nous parler des activités pour enfants et de ses découvertes du salon. Et on va recevoir en fin d'émission Samuel Archibald et notre collaborateur Jules Chomel. Et ces deux-là vont me parler de James Lee Burke, un spécial qu'on veut faire depuis des semaines. Et là, c'est l'occasion. On va faire une petite pause musicale et on revient avec Geneviève Peterson. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord avec Barbel Reinke. Je suis accompagnée de Geneviève Peterson et j'avais tellement hâte de vous rencontrer. Bonjour Geneviève, ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Vous avez deux identités, Madame Chose à la presse et ce très beau livre Geneviève Peterson, La déesse des mouches à feu. On en a parlé à l'émission, je sais que vous l'avez écouté, ce qu'on en a dit. Est-ce qu'on était dans le juste de... Ben, c'est toujours très étrange pour un auteur d'entendre des commentaires sur son œuvre, mais c'est intéressant aussi parce que souvent, les commentateurs ou les critiques mettent le doigt sur des choses que nous-mêmes, on n'avait pas vues. Mm-hmm. Et puis, il y a tout ce segment de l'émission où vous vous demandiez si vous feriez lire le livre à des adolescents. Vous aviez dit que vous me le demanderiez, donc j'ai hâte de voir si vous allez poser la question. Oui, c'est ça, c'est une question. J'ai une adolescente de 17 ans qui lit pas beaucoup. Ça, c'est un peu triste quand on lit autant que moi, mais qui est très sélective, et je pense que c'est le genre de livre, si je lui dirais que ça parle de Christiane F., le livre serait pas ici, il serait déjà dans son sac. Mais c'est très drôle parce qu'au Salon du livre de Trois-Rivières, où j'étais, je pense que ça fait deux semaines, il y a trois jeunes filles de 16 ans qui sont venues me voir. Elles étaient allées à la librairie pour acheter une version usagée de Christiane F., puis la libraire là-bas leur a vendu La déesse des mouches à feu. Et les trois, il y en avait une évidemment qui a dit à ses amis d'aller l'acheter, tout ça, ils sont venus se faire signer le livre. Ils ont vraiment beaucoup aimé, donc je pense que bien que ce soit pas un roman pour les adolescents, c'est vraiment un roman sur l'adolescence, pour les adultes. Je pense que les adolescentes et les adolescents de 16, 17, même 15, très matures, peuvent y trouver leur compte. Puis je pense qu'ils se reconnaissent beaucoup là-dedans parce que cette vérité sur l'adolescence que j'ai essayé de mettre en scène qui les touche. Il y a aussi qu'il fut une époque pas si lointaine, il n'y en avait pas de littérature pour les 14-20 ans. Oui, on lisait des livres pour adultes. Ben oui, moi-même, les premiers livres que j'ai lus, c'était pas des livres pour adolescents. Moi, je me rappelle que la bibliothécaire de l'école, en secondaire 3, j'avais tout lu les livres de la bibliothèque de mon école secondaire qui était très petite. puis elle m'avait prêté Anne Rice. Oui. Je pense que j'ai commencé les par L'Estelle Vampire. J'étais obsédée par ça à 13, 14, 15 ans. J'ai lu toutes les sagas. Après, elle m'a prêté La Vallée des Chevaux, qui est comme un petit peu moins... ça se passe au temps de la préhistoire. C'est une jeune fille qui découvre toutes sortes de choses. Donc, moi, j'ai jamais consommé de la littérature pour adolescents. Je pense qu'il y avait La Courte Échelle qui faisait des trucs dans ce temps-là. J'avais lu Sani Péan, Les Yeux d'Émeraude. Je me rappelle de ça. Oui, oui, oui, oui. Écoutez, j'ai préparé quand même des... Bon, d'abord, il faut qu'on présente quand même un peu le livre. C'est l'histoire de Catherine qui a 14 ans. Les parents sont fraîchement séparés et il me semble que c'était le temps. En tout cas, à lire... Ah oui, non, c'était pas drôle. Elle est en admiration devant Christian F. Elle nage en plein phase grunge, post-punk avec ses amis. Il y a... Je pense des choses véridiques qui ont, sont reportées, comme les batailles derrière le centre d'achat. Ça, c'est des choses, ça s'est vraiment passé. On parle évidemment de Chicoutimi. On est proche. Donc, le roman se passe à Chicoutimi, Chicoutimi et à Chicoutimi-Nord, pardon. Oui, il y a des choses qui se sont véritablement passées. Il faut savoir que le roman se déroule dans le milieu des années 90. Donc, à Chicoutimi, dans ce temps-là, c'était il y avait une espèce d'apogée du punk rock, de l'esprit rockabilly et tout. Et puis, ça s'est vraiment passé. Il y avait vraiment une espèce de guerre entre... D'autres, on disait les skateux et les pouilleux qui se déroulaient à chaque jeudi soir à Place du Royaume. Jeudi soir? Jeudi et vendredi. Donc, on faisait le... Chacun avait son bar de centre d'achat. Les pouilleux, c'était en face du Canadien... D'autres, on dit Canadien Tire. Et puis, les skateux, dont je faisais partie, étaient en face du Ardennes. Donc, on se promenait, puis après, on se donnait rendez-vous en arrière de la bâtisse. Et un soir, en particulier, il y a eu tellement de grosses batailles, il y avait 600 jeunes. Ça avait fait la couverture du quotidien le lendemain. Ouais. Et les gens, c'est drôle, les lecteurs qui ont lu le livre viennent me parlent beaucoup de ça parce qu'ils s'en rappellent où ils étaient là. Oui, non, je comprends. Et c'est vraiment assez frappant. Déjà, vous en parlez, la langue. Comment on fait pour se rappeler? Parce que vous parlez plus comme vous parliez à 14 ans. Ah, comment ça dépend des on jours. Fait? Parce que c'est... on avait fait la critique avec Sandra Lalancette qui, elle, vient d'Allemagne, qui a le même âge que vous, à peut-être une année près, et qui se rappelle, et elle me l'a dit, elle dit, il y a des mots là-dedans que j'ai oubliés, mais on disait ça. Mais il y a deux choses. La première chose, c'est que je retourne souvent au Saguenay. Je suis mariée avec un Saguenay, j'ai des amis Saguenay. Mm-hmm. Donc, cette langue-là, pour moi, je ne l'ai jamais oubliée. Je la parle encore à l'occasion. Mon mari me niaise, il me dit « arrête de parler comme une ado ». Puis il y a beaucoup de gens qui pensaient que j'avais conservé des journaux intimes de l'époque, alors que pas du tout. Moi, je suis un genre de caméléon de la langue. Partout où je vais, je pogne l'accent. Je vais au Nouveau-Brunswick, je pogne l'accent du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est quelque chose qui est facile pour moi. Et puis, il faut dire quand je me suis plongée dans cette écriture-là, j'ai comme eu des réminiscences de l'époque. Il y a des expressions, des mots qui sont ressurgis, qui ont refait surface. Donc, c'était vraiment une espèce de travail d'excavation fou. Mais en même temps, moi, je parle encore comme une Saguenayenne de 14 ans. OK, ça fait que c'était pas parce que moi, j'avais l'impression que c'était vraiment travaillé parce que moi, j'allais déjà... Moi, je fais partie de ceux qui vont à chaque année au lac ou au Saguenay. Ouais. Et... J'adore mais, comment les gens parlent là. Mais c'est une langue qui est... j'ai beaucoup travaillé la langue dans le livre, notamment au niveau des sonorités. C'est le saguenayen, si on peut l'appeler ainsi, c'est une langue chantante. C'est une langue qui sonne comme une... Ça a du B, tu sais. Donc, j'ai beaucoup lu mes phrases à haute voix. C'est vraiment un livre où le rythme, pour moi, est au cœur de l'écriture. Je pense, j'irais même jusqu'à dire que l'histoire, pour moi, est assez inintéressante. C'est pas raconté dans cette langue-là. Donc, ça a été le plus grand défi, le plus gros travail aussi. Il a fallu abandonner des choses parce que il y a des choses qui, à l'oral, ne passent pas bien. Donc, ça a été une espèce de combat de tous les instants. Mais je comprends. Le personnage est un personnage qui se promène, je dirais, très proche de l'abîme. Oui, elle n'est pas toujours consciente du danger. À 14 ans, on ne l'est jamais, on est infaillible. Et il lui arrive quand même des choses, je pense, qui vont lui rappeler que la vie n'est peut-être pas éternelle. Et j'ai trouvé ça, c'est tôt, hein, à 14 ans, d'apprendre ça. Ben, je pense que Catherine, tu sais, on dit l'année noire de ses 14 ans, je pense que c'est vraiment ça. Elle sera confrontée à des choses que des gens qui, dans une vie, n'auront jamais à faire face à ce genre d'épreuve-là, et tout ça en une année. Donc, elle grandit très vite. Mais je pense que ce qui la sauve, Catherine, entre guillemets, c'est qu'elle n'est pas très centrée, elle est très loin d'elle-même. Oui. Elle, elle, elle, en parlant du livre, je me suis rendu compte qu'elle se regarde aller beaucoup. Mm-hmm. Elle vit pas vraiment dans son corps. Elle constate beaucoup. On rentre pas beaucoup comme lecteur à l'intérieur de ses pensées, mais elle non plus. Elle vit les choses. C'est une espèce de barrière. Puis il y a cette très belle scène, je crois, dans le livre où ils vont au salon funéraire, puis elle veut pas y aller parce que mm-hmm. elle veut pas pleurer, parce que je pense que qu'elle se dit que si elle pleure, elle ne pourra plus s'arrêter. Ça sera... Donc, elle fréquente l'abîme, mais sans y plonger totalement, jamais. C'est ça, là. On la sent se chercher. Hein? C'est vraiment tout le long, elle se cherche et à travers beaucoup les autres. Ça, c'est une de mes obsessions dans tous mes projets littéraires, le regard de l'autre, la façon dont on se perçoit, surtout quand on est une fille. Catherine, elle est toujours là-dedans. Peu importe ce qui arrive, même si c'est grave, elle est toujours en représentation d'elle-même. Ça, mm-hmm. c'est une de mes bibites perso, je dirais, ouais. qui est dans toutes mes projets en ce moment. Vous écrivez aussi des chroniques pour Madame Chose. Ouais. Et là, c'est vraiment autre chose. Avez-vous d'autres projets d'écriture, de romans, et là, de nouvelles? Vous Oui, je veux des scoops. Oui, alors, je suis déjà en train d'écrire un second roman qui va être publié au Cartanier probablement en 2015. Oh. Et je peux vous dire que ce sera, on retrouvera Catherine, ce sera la suite de la déesse des mouches à feu. Donc, ça continue. Je pense on être la content. Première à le savoir. Ah oh oui, c'est magnifique, c'est une bonne nouvelle. Il y a aussi moi j'ai une double vie littéraire, on vient d'en parler, je fais Madame Chose aussi. Donc, il y a un livre que Madame Chose va signer, qui sort à l'automne, cet automne, qui s'appelle « Vie et mort du couple ». Oui, et là-dessus, j'ai une question. Oui. Est-ce que vous les inventez, ces lettres, ou il y a vraiment des gens qui vous écrivent? Non, j'invente rien. Ce sont toutes des vraies lettres. Oh, oui, les gens m'écrivent, j'en reçois beaucoup, beaucoup. Puis ça m'a surpris parce que quand Mélanie Tivierge, qui est ma patronne à la presse, m'a proposé de me donner une carte blanche dans la Presse Plus, puis que ce soit un courrier du cœur, j'étais, mais personne ne va écrire, tout le monde le sait que c'est un jeu littéraire, que Madame Chose raconte des histoires. Mais les gens ont vraiment embarqué. Je reçois des lettres, j'en reçois... je pense qu'on en a reçu comme une 500 dates. J'en ai reçu beaucoup. Vous les reprenez comme telles, les lettres, ou vous les travaillez un petit peu? Le travail vous est très léger. On corrige les fautes. Des fois, quand c'est un petit peu incompréhensible, parce que des fois, la syntaxe n'est pas toujours juste, tout ça, on corrige, mais on essaie de pas altérer l'esprit de la lettre. Ouais. C'est déjà tout le temps qu'on avait, ça passait en vent, c'est fou, hein? Faut qu'on se revoie. Ben oui. Merci beaucoup, Geneviève Peterson et la déesse des mouches à feu. Là, j'ai bien hâte à la suite. Merci. Merci. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, Père Drank au microphone. Je suis maintenant accompagnée d'Hélène Dorion. Hélène, je suis vraiment honorée de vous avoir ici. Vraiment, vraiment, ça fait longtemps que je lis votre poésie. Je vous l'ai dit hors d'onde, je me sens toujours complètement incompétente en poésie. Étant vu que l'allemand est ma première langue, mais je suis toujours contente quand vous sortez un récit. Là, j'en ai eu pour mon argent. Recommencement chez Druid, et nous ne sommes pas seuls, qui est un échange de lettres avec Carole Bernier. Oui. Parlons un peu de Recommencement. C'est un récit qui parle de la mort de votre mère. Oui. Comme point de départ, effectivement, oui, c'est la mort de ma mère. Mais en fait, c'est un récit. Au moment d'écrire ce récit, j'ai voulu écrire sur les grands vents, les grandes vagues qui viennent dans notre vie tout balayer. Mm-hmm. Et quelle capacité on a de se transformer et de recommencer, oui, à partir de là. Mais recommencer, mm-hmm, ce qui ne veut pas dire aller en arrière. Oui. Au contraire, aller en avant et ouvrir les chemins. Et donc, au moment d'écrire sur ces grands vents, c'est quoi les grands vents? Mm-hmm. C'est les pertes amoureuses, les deuils, les ruptures, etc. Ouais. La première scène qui m'est venue, c'est la mort de ma mère, ouais, qui est arrivée il y a quelques années. Mais je retourne donc dans le premier chapitre, dans cette chambre d'hôpital, ouais, où ma mère meurt. Et c'est ça qui ouvre. Ouais. C'est ça qui est important. C'est que la mort n'est pas une fermeture, mais vraiment une ouverture. Recommencement. Tout à fait. Donc, ouverture, évidemment, vers ce qu'on est pour soi-même. Mm-hmm. Parce que quand on se met face à sa propre vie, à un certain, oui, moment, on est forcé de se mettre devant sa mère, devant son père. Oui. Et donc, de devenir pour soi-même, sans doute, sa propre mère et son propre père. Justement, on perd le rempart face à la mort quand nos parents partent. Pour vous, vous avez vécu ça comment? Parce que vous en parlez là-dedans. Vous avez quand même une démarche spirituelle. Oui, tout à fait. Sans être religieuse, mais il y a, exactement, une très forte démarche spirituelle. Oui. Ça fait longtemps que... Depuis toujours, je pense. Pour moi, disons, c'est simplement, et vous le dites bien, c'est pas religieux. Le sens du sacré, il est là quand on regarde un lever, un coucher de soleil, quand on est dans le silence, quand on perçoit l'invisible au cœur du visible. Mm-hmm. Pour moi, c'est une spiritualité que je dirais laïque, oui, mais c'est là, c'est une sorte d'aspiration et de sensation de plus grand que nous, oui, peu importe ce plus grand, et je ne le nomme pas autre chose que d'être dans l'invisible, d'avoir cette sensation. Donc, la mort de ma mère, c'est pas forcément... c'est beaucoup dans un sens de retourner à ce qu'on est comme, mm-hmm, être humain. Donc, que nous sommes des êtres de passage, oui, que tout ce qui est passe. Et si on cherche à fixer, si on cherche à s'accrocher à ça, tout ce qu'on crée, c'est de la douleur, plutôt que d'ouvrir, mm-hmm, les mains et de s'abandonner. Et comme je le dis, cette scène, ma mère, dans sa mort, m'a appris non seulement à mourir, qui est un, mm-hmm, immense cadeau, mais, oui, aussi à vivre dans cet abandon, dans le fait de, mm, ne pas retenir les choses. Et il y a plusieurs moments dans le récit où je raconte des événements où il y a eu cet apprentissage. Oui, oui, oui, je pense que voir quelqu'un partir en sérénité, ça peut beaucoup aider. Dites-moi, je vais revenir un peu sur la forme. C'est un récit, vous écrivez aussi la poésie. Pour vous, vous vous définissez comment par rapport à ces deux genres-là? Parce que vous n'écrivez pas de romans, vous écrivez des récits. Oui, mais encore là, cette question des genres est très... moi, elle ne me préoccupe pas. Je ne pense, mm-hmm, pas que la question des genres soit une question d'écrivain. C'est une question peut-être de lecteur, une question de critique, une question de professeur. Mais moi, mon premier récit, par exemple, Jour de sable, mm-hmm, a été finaliste à un prix d'essai. Mm-hmm. Il a été finaliste au prix des libraires, un prix de roman. Mm-hmm. Il a eu un prix de premier roman, le prix Anne Hébert. Ouais. Alors, vous savez, entre la dose d'autofiction, d'autobiographie, de fiction... Quand on est dans ces zones, moi, je l'appelle récit parce que je veux assumer cette présence, oui, du jeu qui est moi. Oui. Mais en même temps, le but n'est pas de me faire lire moi, parce, oui, qu'il n'y a pas de choses absolument extraordinaires dans ça. C'est la vie de tout le monde, la vie de... Non, je trouve quand même qu'il y a des choses assez extraordinaires là-dedans. L'ouverture que vous montrez là, c'est pas donné à tous d'accepter comme ça. Mais de trouver, comme vous disiez tout à l'heure, en même temps, sa propre sérénité. Mm. Parce que voir mourir quelqu'un... c'est pas toujours dans la sérénité, non, que la personne part. Non. Mais nous, où est-ce qu'on trouve notre propre sérénité et où est-ce qu'on peut dépasser la douleur, ouais, et transformer cette douleur-là en possibilité de liberté? Oui. Non, oui, je comprends très bien. Je voudrais prendre quand même 2 minutes pour parler. Nous ne sommes pas seuls. C'est un échange de lettres avec Carole Bernier, qui a l'air d'être une amie proche, chère, importante. Tout à fait. Mais et une collaboratrice. Absolument. Et vous savez, quand on rencontre des lecteurs, qu'on est des écrivains, on peut avoir un lien avec un lecteur ou une lectrice qui est très intime, parce qu'on est au cœur de l'essentiel. Une personne qui m'a lu peut me connaître davantage que des personnes que je côtoie dans ma vie de tous les jours, mais qui ne m'ont pas lu. C'est la même chose pour deux artistes qui se rencontrent. Et Carole Bernier et moi, on s'est rencontrés au cœur de notre travail, au cœur de cette complicité artistique. Elle travaille avec vos textes. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle a... Je ne la connais pas. Ben, c'est pour ça. Et j'ai fouillé un peu sur le web, mais j'étais un peu limitée dans le temps. Oui. Elle fait quoi? Eh bien, elle fait des œuvres extraordinaires. Elle expose à la Galerie Simon Blais à Montréal. Elle a elle-même, là, je vous le dis, un site web. Oui. Et son nom, c'est Carole, C-A-R-O-L. Elle fait une œuvre ouverte. Okay. Une œuvre qui est une œuvre de quête, une œuvre de recherche, une œuvre qui est en mouvement, comme moi. Bon, ce sont des tableaux abstraits. Dans lesquels on peut reconnaître en même temps des éléments de ciel, d'eau, de terre. C'est très organique comme œuvre. Et on a eu envie de faire ensemble un livre d'artiste. Mais on ne voulait pas faire le livre d'artiste traditionnel où il y a une image, un texte, une image, un texte. Ah. Alors, non, c'est magnifique parce qu'on voit des choses. Je ne suis pas sûre que j'ai vu ce qu'il fallait que je voie, mais j'ai vu des choses en vous lisant, là. C'est un peu comme lire un poème. Tout à fait. Et puis les deux, on est intervenus. Carole, on a eu un échange de lettres, de courriels, en fait, en 2008-2012, qui n'était pas destiné à être publié. Donc tout ça, c'est vrai, c'est très intime. Et les œuvres, moi, j'ai fait des œuvres visuelles et elle aussi, elle en a fait. Donc c'est devenu un projet très organique et en mouvement qui a donné ce livre. C'est un très beau livre qui est paru aux éditions d'art Le Sabord, où il y a aussi la revue Le Sabord. En tout cas, j'imagine que c'est lié, là, ces deux. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Hélène Dorion, merci beaucoup pour ces deux beaux livres. Recommencement chez Druide et Nous ne sommes pas seuls avec Carole Bernier aux éditions d'art Le Sabord. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Les bouquins d'abord, Perle Rinck au microphone. Je suis accompagnée de Pierre Breton et je pense que c'est un premier roman. Bonjour, M. Breton, ça va bien? Bonjour, madame, ça va bien, merci. Sous le radar, c'est un premier roman? Oui. Pourquoi vous avez attendu si longtemps pour raconter ça? Ah, ben, il fallait que je mature. J'étais encore trop jeune avant. Fait que j'avais pas acquis suffisamment de profondeur. Ah, parce que vous racontez votre jeunesse à Sainte-Marie. Non. Proche de Sainte-Marie. À Saint-Sylvestre, oui. OK. Oui, parce que le Mont-Radar, il est toujours bel et bien là. Oui, il serait dur. Il serait dur à tosser aussi. Oui. On en a parlé un peu dans les nouvelles les dernières années avec des projets qu'il y a eu là-bas. Oui. À votre époque, il y avait vraiment encore des Américains qui étaient là. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Non. C'était des Canadiens? Oui. Mais la base avait été payée par les Américains. Parce que c'était plus utile pour eux que pour nous. Hein. C'était pour... c'était les Américains qui avaient déversé une manne de millions de dollars dans notre petit village. Ah, OK. Il y en avait vraiment beaucoup, là. Oui. Okay. À un moment donné. Ah oui, c'était vraiment une grosse base. C'était vraiment impressionnant à voir, oui. OK. Parce que ça, aujourd'hui, on ne voit plus rien de ça, là. Oui, il reste quelques bâtisses, oui, comme le MES. Le MES est encore debout. On voit quelques bâtisses ici et là. Oui. Il y a quelques ruines. Et il reste encore un gros bunker au sommet de la montagne. Est-ce que c'est véridique que vous êtes allé avec votre copain? Non, c'est inventé. Vous n'auriez pas osé? Non, jamais. Vraiment, moi, je viens de Berlin. Hein? Fait que moi, là, les Russes, les Américains, c'est impressionnant. C'est hein? Non, on ne joue pas avec ça. On ne va pas là. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce qu'il y a quand même des souvenirs qui sont vrais? Parce qu'il me semble tout ce qui touche au travail, à la ferme... Oui, c'est vrai. C'est vrai, non? Le trio, là, ce sont des gens qui ont vraiment existé. Ce sont les mêmes noms aussi. Oui, j'ai gardé. Ils sont encore là? Ils ont lu ça? Non, ils sont morts depuis longtemps, oui. mais ce sont des gens qui ils vivaient encore comme si on était au siècle dernier. Ils vivaient selon un mode de vie là, qui était déjà... qui, déjà, en 1960, avait l'air ancien. Oui. Mais il y a aussi que, bon, vous venez de la Beauce, il reste quand même... Est-ce que vous êtes resté dans la Beauce ou vous avez quitté? Non. Oui. Ben, j'ai quand même quitté. J'ai vécu un peu de temps à Montréal. J'ai passé la très, très grande partie de ma vie en Beauce. Aujourd'hui, les jeunes, est-ce qu'ils partent? Est-ce qu'ils restent? Parce que la Beauce est quand même particulière comme région là, du Québec. De mon point de vue, d'immigrante depuis 20 ans au pays. Bien, c'est que les jeunes instruits quittent. Ils doivent quitter. Mais ceux qui lâchent des études plus tôt, ben, pour eux, il n'y aura vraiment pas de problème. Il y a beaucoup, beaucoup d'emplois encore pour eux. Hein. La Beauce, actuellement, importe de la main-d'œuvre. Elle va chercher des travailleurs en Amérique du Sud. Et c'est très beau. Je trouve ça très beau. Bien, c'est bien, oui. Et j'étais très contente de voir, je pense, pour la première fois dans une œuvre littéraire, la Beauce. Ah, je ne m'en rappelais pas d'avoir lu un roman, et j'en lis. Hein. Mais la Beauce... Et quand j'ai vu Sous le radar, tout de suite, j'ai pensé au Mont-Radar. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment de vos souvenirs aussi là-dedans ou c'est complètement inventé? Oh, mon Dieu! Je l'ai lu et j'avais l'impression qu'on est dans le vrai. C'est vraiment un mélange. Hein? C'est une mayonnaise. Puis moi, c'est basé sur du vrai, mais je dirais que c'est inventé. Ce que vivent les deux jeunes, c'est presque tout inventé. Les frasques qu'ils font, ils sont chouettes, ces frasques-là. Oui, ils sont drôles. Et ils sont très drôles. Oui. Et c'est des trucs, il me semble, que même en Allemagne, dans les mariages, où j'aurais pu rencontrer ce genre de frasques... Ah, oui. C'est quand même... Et est-ce qu'il y avait vraiment des Irlandais dans la Beauce? Beaucoup. Parce qu'à Beauceville, je suis pas consciente de ça. Saint-Sylvestre, il y avait une... Je dirais qu'il devait en avoir une centaine, au moins. Oui, c'est une vraie communauté. Là. Oui, il y avait même, comme au village de Saint-Sylvestre, il y avait même une classe anglaise.

vous avez romancé, elle était vraiment comme ça, elle est plus grande que nature. Bien, j'ai l'impression qu'elle était vraiment comme ça, mais évidemment, dans une démarche d'écriture, a posteriori, on va chercher les souvenirs, on va voir, on réentend les phrases qu'elle nous a dites. Mmh. J'ai regardé des photos, par exemple, c'est sa photo qui est sur la couverture du livre. Elle est belle. Elle est aussi belle que votre description. Oui, c'est vrai, c'était une belle femme, mais c'est une femme généreuse aussi. Mmh. Et ce livre-là, c'est pour lui rendre hommage, mais c'est aussi parce que je me suis demandé, après sa mort, qui est-ce qu'elle était? Oui. C'est une femme qui s'est mariée à 34 ans. À l'époque, c'était tard. Âgé, c'était tard pour se marier. Et qu'est-ce qu'elle a fait avant? Je sais quelques petites choses, mais est-ce qu'elle avait aimé? Est-ce que qui elle avait fréquenté? Qu'est-ce qu'elle pensait vraiment? Elle ne nous en a jamais parlé. J'ai voulu savoir qui elle était. Ah, vous saviez pas? Ben, c'est-à-dire que, oui, on sait ce que nos parents nous disent, mais à côté de ce qu'ils nous disent, qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas? C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on ne veut pas savoir aussi parce qu'on n'a pas le temps de s'intéresser vraiment à eux? Il y a aussi une dimension qu'on ne veut pas savoir, le côté amoureux de nos parents. Parce que ça paraît, j'ai l'impression que c'était une femme amoureuse aussi. Oui, exactement. Il y a des choses qu'on ne veut pas savoir. Puis, on a l'impression que nos parents sont toujours là. Mm-hmm. Donc, on n'a pas besoin de leur demander ça. On s'imagine que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on pourra le leur demander. Oui. Et une fois qu'ils sont décédés, ben, on se dit, trop tard, oui. Je ne saurai jamais certaines choses. Et votre mère était très âgée quand elle est partie. Elle avait presque 98 ans, elle aurait eu 100 ans cette année. C'est vraiment... Et elle était autonome presque jusqu'au bout. C'est quand même extraordinaire. On voit tellement de gens perdre leur autonomie. Elle était autonome jusqu'au dernier mois avant son décès. Elle aimait marcher, elle aimait rire, elle mangeait de tout, elle aimait cuisiner. Donc... Elle vous aimait, vous et vos frères. Aimait. Parce que c'est surtout ça ce qu'on sent dans ce récit-là, qu'elle, vous étiez le sens de sa vie. Oui, effectivement, elle s'était mariée pour avoir des enfants. Bon, elle adorait mon père, c'est évident, mais elle était très heureuse d'avoir eu 3 enfants et ensuite d'avoir des petits-enfants. Mm-hmm. C'était sa vie et elle adorait les tout petits bébés, les jeunes enfants. Elle en prenait soin, il fallait la voir quand mon petit-fils est né, son arrière-petit-fils. Oui. Ça a transformé une fois. J'ai des frissons. Vous me parlez, j'ai les mêmes frissons qu'au moment où je l'ai lu. Vraiment, là, c'est ça ce que je vous ai dit. Je suis vraiment tombée en amour avec elle. Mais vous parlez aussi d'un sentiment de culpabilité dans votre livre. Ça, j'ai trouvé ça... Vous vous sentiez coupable, pourquoi? Bien, écoutez, quand les parents vieillissent, quand il faut penser à leur trouver une résidence, oui. On a l'impression de les abandonner. Et la vie moderne fait en sorte que c'est très difficile de les garder près de soi. Mm-hmm. On se sent aussi coupable de ne pas être suffisamment près d'eux, de ne pas s'y être intéressé plus étroitement quand c'était le temps. Oui. Alors, je pense que le deuil, comme je le dis dans le livre, c'est le terreau de la culpabilité de toute façon. Oui, et c'est vrai. Après le décès d'une personne qu'on aime beaucoup, on se dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Oui. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et écrire ce livre-là, c'est peut-être d'une certaine façon pour moi, l'occasion de donner à ma mère la place que je ne lui ai pas suffisamment donnée alors qu'elle était vivante. Moi, je pense quand même que, comme vous en parliez, elle comprenait très bien. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai à travers de votre récit. Est-ce qu'on voyage vers soi-même quand on parle de la vie de sa mère? Oui, parce que la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'elle m'a laissé? Oui. Comment est-ce que je suis la fille de ma mère? Mm-hmm. Et j'essayais de retrouver chez moi ce qu'elle m'avait légué. Oui. Alors, donc, je parle de moi aussi, mais... c'est aussi faire son propre cheminement vers la vieillesse et vers la mort, puisqu'on va tous arriver là. Oui. parce que notre mère, une fois disparue, on est les premiers, on sera les prochains à partir. On est les premiers sur la ligne de feu, si on veut. Oui. Alors, donc, ça fait faire aussi tout un cheminement personnel en se disant, ben, la vie n'est pas éternelle et un jour, ce sera moi qui serai étendue sur la soie blanche. Oui. Est-ce que ça change votre rapport avec votre enfant ou vos enfants? C'est-à-dire que une fois que la mère est disparue, on se dit c'est à moi maintenant d'avoir la responsabilité de ma petite famille. Je le ressentais avant évidemment, mais je le ressens encore davantage. Et pour moi, c'est l'importance. Je ressens l'importance de leur donner tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Pour qu'ils ne restent pas avec la culpabilité. Oui, pour qu'ils ne restent pas avec une culpabilité, mais aussi, mais je pense que c'est incontournable, la culpabilité. On ne peut pas y échapper, mais justement pour profiter du temps qui passe quand il passe. Ouais. Oui, c'est bien ça. Écoutez, avez-vous d'autres projets déjà en route? Ben, j'ai un recueil de poésie parce que je suis aussi poète. Oui, donc... on n'en a même pas parlé. D'ailleurs, ça se sent dans la langue. Ben, ça me fait grand plaisir que vous le disiez. Alors, un recueil de poésie, un livre de poésie, puis j'ai un projet de roman aussi. Un autre projet de roman. Alors, on va peut-être se revoir. Moi, je disais à Madame Dorion, je me sens un peu incompétente en poésie, même si j'adore d'en lire, mais des romans, là, je me sens plus compétente. Je vous remercie bien, gros. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci, Madame Dupré. Et merci à vous. She may contain me, urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fever, scream me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle, toe to toe. Sleep, my love, my love, love, love. She bruises calls, she's blood as pistol shows. Hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine. My love, my love, love, love. La la la la, muscle to muscle and toe to toe. Nous sommes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, toujours avec Berberinck. Je suis maintenant avec Lionel Noël. Bonjour Lionel, ça va bien? Ça fait une couple d'années qu'on ne s'est pas vu? Mon dernier salon de Québec, c'est 2005. C'est ça, on s'est vu à ce moment-là, peut-être même un peu avant pour l'opération Iskran. Opération Iskran sortait en 2004. Exact. Et là, tu nous livres Brouillard d'automne. En fait, il est sorti à l'automne. Un roman que je voulais absolument lire parce que ça joue dans notre région. On vient de la même place, sauf qu'il y a une frontière au milieu. Oui. Bête de même. Oui, oui, oui. C'est vrai, hein? Quelques kilomètres, en fait. Oui. Une demi-heure en voiture de chez mes grands-parents, de chez moi, on est chez toi. C'est ça. Et comme toi, moi, j'ai grandi dans les récits de guerre. En tout cas, j'en déduis à la lecture qu'on a entendu des choses qui se ressemblent, avec des points de vue un peu différents. De mon côté, on fait partie du peuple des faits. Et vous, vous vous êtes libéré de quelqu'un qui est arrivé là. Parle-moi un peu de ce livre-là, parce que c'est complexe. C'est vraiment complexe comme livre. T'as toute l'offensive des Ardennes, les Américains qui débarquent, mais il y a aussi des personnages qui courent après des traîtres belges qui sont dans la SS allemande. Ça m'a toujours... j'ai jamais rien compris à ça. Mais étant les Allemands qui contre-attaquent, et c'était quand même une époque en 1944 où ça bougeait beaucoup, hein, dans notre région. Dans notre région, il faut dire aussi que cette époque suivait le débarquement en Normandie. Et le début du livre, Brouillard d'automne, commence en septembre, au moment où la Belgique est libérée. Mm-hmm. On retrouve un groupe de partisans qui sont entraînés par Higanoshi, le héros d'opération Iskra. Mm-hmm. Ils sont entraînés à des actions clandestines dans la région frontalière, mm-hmm, avec l'Allemagne. On va dire les Ardennes, mais c'est vraiment... C'est Eiffel de notre côté. Eiffel, on appelle ça Eiffel en Allemagne, mais c'est Ardennes. C'est la même région. C'est la même région géographiquement. Ouais. C'est une continuité. Et on retrouve là-dedans aussi Gabriel Saint-Onge, qui est un correspondant, mm-hmm, de guerre québécois, oui, qui a refusé la conscription. Ça, c'est un personnage particulier. Hein? Il va à la guerre sans y aller. Il y va. Je me suis un peu inspiré de René Lévesque, mais ça n'allait pas plus loin. Les journalistes me l'ont signalé. Donc, on arrive en septembre, à cette époque de la libération, qui est une libération. Ça se fait assez facilement. Mm-hmm. La Belgique a été relativement vite libérés. Les combats ont commencé à se durcir justement de ton côté, Aix-la-Chapelle. Oui. Ben, c'est la première ville libérée. Oui, en fait. En tout cas, moi, de mon point de vue d'aujourd'hui, je vois ça comme une libération. À l'époque, c'était une défaite, s'entend. Mais ce sont des combats qui sont très, très durs. Et on avance dans le roman, je dirais, plus on avance dans le roman, plus le cynisme des hommes, des héros se sent. Là-dedans, il y a une intrigue d'espionnage. C'est qu'en fait, à l'époque, les Américains, certains Américains étaient persuadés qu'il y aurait une contre-offensive, et c'était démenti par le quartier général qui se trouvait à, mm-hmm, Versailles. Avec le temps, avec, mm-hmm, les 70 ans qui sont passés, on se dit oui. Tout était là pour qu'il y en ait une, mais est-ce qu'à l'époque ils voyaient vraiment, on n'en sait rien. Donc il y a cette histoire d'offensive qui est sous-jacente, oui, et qui va déboucher le 16 décembre 1944, oui, date de l'attaque allemande, et qui va se terminer, on va dire, 20 janvier 1945. Là-dedans, on a aussi le récit qui est une fiction. Nos partisans qu'on découvre en septembre, ils sont trahis par un Belge SS qui est un agent allemand infiltré et qui balance tous les réseaux de la résistance, mmh, à l'époque. Mais ça a sûrement existé. C'est inspiré. Ça s'est passé partout en France, en Belgique. On m'avait dit que Bruno Pitz, le nom du traître, est inspiré d'un traître hollandais. Donc, on va dans des généralités qui sont assez proches de la réalité historique. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à ce sujet-là? Parce que, bon, Opération Iskra jouait aussi à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi cette époque-là et pas la guerre froide? Il me semble que en espionnage, on peut quand même aller, même aujourd'hui, il peut en avoir. Oui, absolument. Oui. Pourquoi cette époque et pas une autre? Ben déjà, c'était un peu la continuité d'Opération Iskra. Je rappelle, Opération Iskra, c'était un attentat contre Churchill et Roosevelt à Québec. Mm-hmm. Et Higanoshi en était le héros principal. J'ai trouvé intéressant de le remettre dans un contexte européen. Mm-hmm. Et le contexte européen que je connais mieux, c'était les Ardennes belges, vu que j'y ai grandi. Oui. Donc, c'était plus facile pour moi de broder là-dessus. Est-ce que tu es influencé par des histoires familiales? Par... Je ne sais pas, être assis en dessous de la table, entendre parler des adultes parler, ce genre de trucs. Absolument. Moi, dans ma famille, dans cette région-là, j'ai eu des membres de ma famille qui ont combattu dans les deux camps, puisque dans la région... Dans les deux camps? Oui, absolument. J'ai un oncle qui a fait la campagne de Russie en 1940. Des Allemands. Oui, parce qu'ils appelaient ça les Malgré nous. La région de Penmalmédie-Saint-Vite était était une région germanophone, et Hitler considérait que c'était des Allemands, donc que les jeunes hommes en âge de servir était automatiquement mobilisé. Mais ton oncle n'était pas germanophone? Si, moi, une partie de ma famille, mon grand-père, il s'appelait Noël, mais il est allé à l'école allemande. Ah, tu m'as jamais dit ça. J'ai d'ailleurs fait mon service militaire en Allemagne. Ah oui. Pauvre toi. d'avoir été obligé de le faire. Mais tu fais de la recherche épouvantable pour tes livres. C'est très long. Je veux dire que autant Opération Iskra que Brouillard d'automne, je ne l'ai pas fait d'un bloc. Au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire, des détails se rajoutaient. C'est de la recherche. Et il y a aussi, c'est pas uniquement de la recherche dans les livres ou dans les bibliothèques, c'est aussi de la recherche qu'on trouve dans les reportages. Okay. Il y a beaucoup d'émissions. Ça beaucoup fait que de... toi, tu fais pas un plan au départ et tu sais où tu t'en vas, comme Jean-Jacques Pelletier, par exemple. Il y a un plan de base, mais je continue. Les détails s'ajoutent, comme sur Bletchley Park, par exemple, l'organisme d'écoute britannique. Oui. Là, j'ai dû en faire plus, mais... Il y a des documents qui sont déclassifiés au fur et à mesure que les années passent et on commence à avoir accès. Et c'est beaucoup plus facile. J'ai beaucoup plus facile d'écrire Brouillard d'automne qu'Opération Iskra. Parce que Opération Iskra, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment les informations sur Internet. As-tu déjà un autre projet? Est-ce que le personnage aussi va continuer de vivre ou tu vas ailleurs? Pour le moment, je travaille sur trois projets en même temps. Beaucoup de lecteurs me demandent où se trouve Luna, le premier roman que j'ai publié il y a quelques années. Qui est introuvable, on le trouve dans les bibliothèques. Je suis en train de le retravailler. Mm-hmm. Il y a aussi un roman qui serait une suite, Brouillard d'automne, mais ces trois romans peuvent se lire séparément. Okay. Ça s'appelle Halifax Express. Okay. Ça se passe au début de la guerre, au Québec et dans les Maritimes. Okay. Et ça se passe en Allemagne aussi, dans le camp de Ravensbrück. Donc, on va début et fin de la guerre. Et puis, Brouillard d'automne... L'époque, t'es là, je pense. Oui, ben c'est ça. Et Brouillard d'automne, il y a une petite suite. J'ai repris certains personnages de Brouillard d'automne. Il y aurait une suite, mais ce serait plus un roman policier, mais dans la Belgique des années 60. Ça, j'aimerais ça. Là, tu me ferais plaisir. Tu viens me chercher. Merci, Lionel. Oui. Retour à l'émission Les bouquins d'abord. Je suis accompagnée de Yves Rousseau. Bonjour Yves. Bonjour Barbette. Je t'avais donné le mandat de regarder ce qui se fait pour les jeunes au salon, parce qu'on en voit des enfants. Bon, moi je sors d'un 3 jours où il y avait presque que des enfants. Aujourd'hui encore, on en voit beaucoup de familles. Toi, tu es venu avec ton fils. Oui. Et comment tu trouves ça? Comme parent, d'abord, c'était comme se promener avec son fils de 5 ans dans un magasin de bonbons. Il voulait tous les livres? Tous. puis... enfin, presque. Parce que faut dire qu'il y a une offre incroyable. Oui. Vraiment, c'est proportionnellement, là, c'est beaucoup plus que pour la littérature adulte. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Et en plus, à peu près toutes les maisons d'édition majeures ont aussi des collections spécifiques pour les enfants, les ados. Et c'est très stratifié en tranches d'âge. Oui. Je trouve que ça ressemble un peu aux jouets, évidemment. Et j'ai retrouvé la même division des sexes qui m'attriste toujours, la même que dans les magasins de jouets, c'est-à-dire que très tôt, il y a les livres roses et mauves et il y a les livres avec des monstres. Et des dinosaures. Et voilà. Et voilà. C'est déplorable parce que je trouve qu'on fait une ségrégation sur les sexes et on prive les filles de choses intéressantes et les garçons de choses intéressantes et vice-versa. Mais quand même, je me dis que c'est une bonne chose que ces livres-là existent, se vendent. C'est sûrement bon pour les maisons d'édition et c'est sûrement bon pour les jeunes lecteurs. Le but, évidemment, le plus profond, c'est pas juste de publier des livres pour enfants, mais c'est aussi de se fabriquer une future clientèle, dont on espère qu'elle va continuer à lire et à évoluer avec, avec l'âge. Et de dire, bon, on va passer des livres vraiment pour enfants aux livres pour ados. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que certains ou certaines auteurs qui sont là sont des vraies stars pour les enfants. Ils les connaissent, ils leur parlent, c'est presque des amis. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a des files interminables partout où il y a des séances de dédicaces pour enfants, alors que je vois beaucoup d'auteurs dits pour adultes qui attendent leur public, leur lecteur. Je dirais que c'est un salon du livre, c'est pas un salon de la littérature. Donc, c'est l'objet livre, évidemment, qui est prépondérant. Mais j'ai eu un peu le vertige. Je dirais qu'au bout d'une heure, j'étais sursaturé de sons, de couleurs, de gens partout. Ton fils, il a pris ça comment? Ah, il a adoré ça, lui. Ah, lui, ça l'a pas dérangé? Pas du tout. Il aurait continué? Ah oui, lui, il restait là, pas de problème. Il est allé voir un petit spectacle. C'est très intéressant quand même, les spectacles. Le problème, c'est que c'est très restreint avec la quantité d'enfants qu'il y a. Donc, l'espace, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les... Bien, elle existe, la scène jeunesse, mais c'est vrai que c'est... On dirait que parce qu'ils ont petit, c'est petit. Oui, puis souvent, ben, les parents vont s'asseoir avec eux, alors ça occupe... le son n'est pas terrible. Alors, dès qu'on est un petit peu décalé par rapport à la scène, on ne peut même pas se mettre en arrière, mettre fiston sur les épaules, puis on n'entend rien de toute façon. C'est quand même chouette, là. Et je voyais que les enfants répondaient. Oui, les enfants adorent ça. Interaction. Il y avait Geronimo Stilton. Oui. Donc. Oui, la grande star. Fait qu'on fait du. Je dirais, on fait. J'hésite entre du pédago-ludique ou du ludogique. Parce qu'on mêle effectivement le jeu, mais il y a toujours un but quand même, comme avec les émissions pour enfants maintenant. Là, sauf peut-être bon les histoires de monstres, mais même à ça, on les vend comme apprivoise ta peur, etc. Ouais. Je dirais que il y a plus rien de gratuit là, juste déconner pour déconner. Ouais, toi, tu fais partie de ceux qui critiquent un peu le côté surpédagogique. Oui. Et je te comprends, je te suis. On tue peut-être un peu l'imagination avec ça. Ça, c'est mon inquiétude personnelle. C'est pas mauvais d'en faire, mais c'est comme trop de sel dans la soupe. Oui, oui. As-tu remarqué d'autres choses, plus de tes préoccupations adultes? As-tu eu des affaires qui t'ont attiré? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Je veux dire, c'est sûr que moi... Cinéma. Oui, les beaux livres, Taschen. Taschen. Oui. Là, pour être dans le salon du livre et dans l'objet, effectivement. Il y a plein de Taschen que j'avais jamais vu, que je connais pas. Je vais sûrement retourner les feuilleter tantôt. Là, c'est vraiment des beaux objets, les Taschen. Des beaux livres Gallimard. Je m'amuse beaucoup. Je rencontre des auteurs que je connais, des anciens étudiants. Je suis très content de voir que des étudiants qui étaient en arts et lettres au cégep continuent de s'intéresser aux livres. Ah, et qui viennent? Oui, ça, j'en ai croisé plusieurs. Oui. Moi aussi, j'ai rencontré des jeunes, des amis de mes enfants qui se promènent. C'est chouette, ça. Mais là, en fin de semaine, on voit beaucoup d'adultes aussi. Et j'ai l'impression que... Qu'est-ce qui est vraiment bien ici, c'est qu'on peut parler aux auteurs. Oui. Tu sais, moi, je suis très privilégiée. Je fais ça en tête-à-tête, mais... On a le temps de le faire. Et ils veulent qu'on leur parle. Oui, exact. Pour toi, est-ce que tu étais un habitué des salons du livre? Oui, j'y vais assez régulièrement. Pas systématiquement. Des fois, j'y vais une seule fois, là, mais évidemment, à plusieurs reprises pour CKRL, je suis venu aussi. Ben oui. Et l'espace, je le trouve presque trop petit. D'une année à l'autre, moi aussi, je trouve que ça pourrait être plus grand parce que ça n'a pas évolué depuis quoi, 10, 15 ans. Je sais pas, toi, tu y viens plus plus longtemps que moi. Oui, depuis plus longtemps, mais on dirait qu'il y a de plus en plus d'éditeurs, il y a de plus en plus de gens qui s'auto-éditent, des micro-mini-maisons d'édition. Qui sont sur les bords, oui. Là, oui.

J'ai bien du mal. Moi, je sais que mon rapport à la nouvelle vient beaucoup. Moi, je suis un grand lecteur de poésie. Je suis pas capable d'écrire de la poésie. Ce que j'adore déjà de la nouvelle, c'est que dans la forme courte, on peut garder le même genre de contrôle du texte, de chaque virgule, de chaque phrase qu'on a souvent dans un poème. Là, je pense que pour le reste, Arvida, c'est sûr que je me rappelle à l'époque, même ça nous préoccupait, c'est-à-dire on a un livre qu'on aime beaucoup entre les mains, mais qu'est-ce qui va arriver avec un recueil de nouvelles? Puis finalement, bon, le livre a un destin assez chouette. J'ai vraiment pas de quoi me plaindre, mais je pense que c'est sûr qu'il y a quelque chose dans le genre d'histoire que je produis. Bon, Gilles Chomel qui nous rejoint, qui était à ta recherche salon. Tout un sport. Fallait me chercher à la bonne place. J'ai cherché à te dire, je voulais mettre. Et donc, c'est ça. Donc, il y a quelque chose dans la forme d'histoire que je fais, que je pense qui rappelle des formes assez anciennes. Il y a quelque chose d'assez essentiel dans le tales, dirait-on, le tall tales même, dirait-on à l'anglaise, ou dans la légende, si on veut, qui fait revivre quelque chose. Et c'est vrai que c'est plus anglophone, hein? La nouvelle, là, c'est, on dirait que c'est plus répandu. Bon, on a Alice Munro qui vient de gagner le prix Nobel. Jamais écrit un roman de sa vie. Ça jouait un rôle, tu sais, dans le monde francophone, la création littéraire, le creative writing, dirait-on en anglais, ça n'existe pas beaucoup. Ça jouait un rôle hyper important aux États-Unis dans le milieu de l'écriture universitaire, en fait. Avec ça, je pense que c'est vraiment une tradition qui est assez anglo-saxonne, en fait, effectivement. Oui, et Arvida a été réédité chez Boréal. Oui. Ça, c'est vraiment, c'est un beau cadeau. Hey, la nouvelle qui est rééditée, j'avais l'impression de rêver quand j'ai vu l'annonce. Vraiment. Et cette année, tu as publié pour le 10e anniversaire dans la très chouette série, dans le beau combo Nova, 15%. Et là, on est rendu au polar. Hein? Oui, carrément. Puis ça, je pense, je le raconte un peu, mais c'est une très bonne idée de mon éditeur, qui a souvent des très bonnes idées. Mais ce combo Nova-là, je pense que la taille de texte qu'il nous demandait, parce qu'il nous demandait quelque chose vraiment 14-15 000 mots, donc plus long qu'une nouvelle, plus court qu'un roman, novella, dirait-on à l'anglo-saxonne, encore une fois. Mais ce qui est le fun avec ce format-là, c'est que, tu sais, il nous aurait demandé 2000 mots, il y aurait eu des fonds de tiroir. Tu sors quelque chose qui traîne. Il m'aurait demandé 50 000 mots, j'aurais dit, t'es malade mental. J'ai pas le temps de faire ça. Et là, tout à coup, il y avait juste ce bon format-là. Tu te dis, ça va me prendre 2-3 semaines, un mois, mais ça me donne la possibilité d'essayer quelque chose de différent. Et c'est beaucoup ce qu'il a eu, par exemple. Tu vois, un gars comme Plamondon écrit le très beau Restigouche, qui est Plamondon, qui est toujours dans les fragments, là, tout à coup, fait du récit continu. Donc, très différent de ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé quelque chose qui était important pour eux. Le David Turgeon est magnifique, La raison vint à Carolus. Moi, je pense que c'est mon préféré du coffret. Et moi, c'est ça, j'ai décidé de m'assumer pour 15 000 mots en tant que qu'auteur de polar. Mais est-ce que polar, ça t'attire si jamais tu vas vers le roman? Ça donne des idées pour la suite. Moi, je me suis donné... Et ton personnage est magnifique. L'aime, l'héros. Ce qui est arrivé beaucoup, je pense, le commentaire que j'ai reçu le plus souvent, c'est que tu peux pas avoir inventé le roux pour 60 pages. Ça va pas. Leroux et Yawata. J'ai dit, tu peux pas avoir inventé ces deux gars-là juste pour 60 pages. Puis je pense que je l'ai vu. T'sais, moi, j'ai remis ça au mois de juin pour que le coffret parte à l'impression, sortant à l'automne. Et tout l'été, on était sur les routes du Québec en vacances avec ma femme, les enfants. Puis là, ma femme me voit penser, là. Elle acquiert ce pouvoir-là un moment. Elle voit ce qui se passe dans la tête. Puis elle disait, là, tu es en train de penser à Leroux. Hein. Tu es en train de penser. On est en Mauricie, on est dans le bas du fleuve. Il y a quelqu'un qui vient de se faire tuer, là. Et il va falloir résoudre ça. Je pense que je me suis donné un peu la piqûre. Là. Quand tu passais à hauteur de Donnacona, ça te donnait aussi des idées. Oui, mais Donnacona, ça vient anciennement. Tu passes à Donnacona. T'es au McDo à Donnacona. Et là, notre prétexte pour t'inviter, c'était même pas tes livres. Oui. C'était ton amour de James Lieberg. Oui, puis ça fait longtemps qu'on en parle. Ben là, Gilles nous a rejoint, mais Gilles, c'est un de mes plus grands amis Facebook. C'est-à-dire, il y a des affaires de fun qui arrivent sur Facebook. Oui, Gilles, je pense qu'on est des vrais amis, puis on est des vrais amis qui ont commencé sur Facebook, puis comme on était à Québec, on ne s'était jamais rencontrés, puis on se rencontre ici au Salon du Livre. Est-ce que tu es venu avec nous? C'est comme moi et Marie-Ève Sévigny, on est devenus amis sur Facebook. Ouais. Ça arrive, et dans la vraie vie, ça continue. Et donc, le prétexte de cette amitié-là, je pense que c'était Anne-Marie chez Pantoute qui t'a vendu à Vida à l'époque. Piché Stéphane. C'est ça. Et à un moment donné, au fil de nos conversations autour de la littérature, de la musique aussi, parce que ça nous réunit. À un moment donné, James Lieberg est sorti, puis on a dit, moi, je ne sais pas s'il y a tant de lecteurs que ça au Québec, mais j'ai découvert que Gilles, comme moi, était un grand, grand fan de James Lieberg. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Donc, c'est ça. On est parti de là, puis moi, pour moi, James Lieberg, c'est drôle parce que... Est-ce qu'il y a un rapport entre ton écriture puis le monde de James Ebert? Si tu regardes, moi je pense que oui, parce que tu sais, si tu regardes qu'est-ce qu'il y a de caractéristique chez James Ebert, je pense que je lui emprunte beaucoup dans ce que je veux faire avec cette série-là. Mm-hmm. C'est-à-dire, d'abord, l'amitié entre deux hommes, c'est-à-dire, tu sais, mm-hmm. James Ebert a beaucoup changé. Dans ses romans, il y a le rapport entre Dave Robichaud, son enquêteur, mm-hmm. et Clete Purcell, son meilleur ami, qui est un très bon ami, mais des fois un citoyen d'une moralité discutable. Qui est une tragédie vivante. Borderline un petit peu. Oui. Il est très borderline. C'est ça. Et donc, cette espèce de rapport-là, qui tout d'un coup est beaucoup plus intéressant qu'une espèce de Sherlock et Watson, mm-hmm. donc d'un rapport souvent, puis même Hastings et Poirot, souvent le rapport entre l'enquêteur et son témoin, c'est presque un sadomasochisme social. Il y en a mm-hmm. un qui est là pour montrer comment l'autre est intelligent en étant épais. T'sais. Mais c'est pas le cas dans avec Hiawatha puis avec. Non, ça, là, c'est-à-dire, là, c'est le but d'explorer. T'sais, tu vois, moi, c'est un peu différent. C'est-à-dire, là, c'est deux amis d'enfance, Clete et Dave. Moi, je voulais mm-hmm. faire ce rapport, c'est-à-dire, je vais le révéler au fil de la série. Qu'est-ce qui fait déjà qu'entre Hiawatha et Leroux, il y a ce rapport-là, alors qu'ils ont quand même un bon 20-25 ans de différence? Pourquoi il y a cette amitié-là? Mais qu'est-ce qui te fascine tant chez James Lieberg? Parce que ce qu'il parle, lui, de deux choses. Il parle d'une nature qui est absolument grandiose et magnifique. Oui. Puis il la confronte à l'humain qui est d'une bassesse absolument hallucinante dans chacun de ses romans. Puis c'est toujours le même pattern. Oui. Puis en plus, il est riche pour les... À chaque fois qu'il y a un crime qui est commis, il s'en va toujours voir du côté des riches, pas les autres qui l'ont fait. Mais il y a quand même des incursions du fantastique qui sont extrêmement intéressantes. Je pense que le premier élément, pour moi, il a été très important pour ça. C'est-à-dire, c'est le premier que j'ai vu que j'ai vu faire ça à ce point-là. C'est-à-dire que des fois, on avait des vieux romans, justement, de Sherlock Holmes, Le chien des Baskerville. Il y a des petits côtés gothiques, mais c'est gothique décoratif. Oui. Alors que il y a un gothique sudiste chez James Lieberg. Puis dans plusieurs de ses romans, dont Dans la brume électrique avec les morts confédérés. Ah, ça, c'est très fort. Jolly Blonde's Bones. D'un coup, tu as presque un réalisme magique, un côté très, très gothique, mais gothique shakespearien. Là. C'est méchant, ils sont shakespeariens quand ils sortent. Mm-hmm. C'est type complètement pourri. Là, dans Jolly Blonde's Bones, c'est l'ancien esclavagiste, l'ancien garde de plantation, mais qui fait de la magie noire ou qu'on raconte. Et on ne sait plus, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Et ça, c'est magnifique. Quand on est confronté comme lecteur à l'incertitude. Oui, et ça m'a beaucoup fasciné quand je l'ai lu à l'époque, de dire, OK, on peut faire marcher ça sur ce mode-là, tu sais, le côté très, très gothique, presque sorcellerie, avec quelque chose qui est très, très social en même temps, parce que là, il y a une espèce de description de la dégradation de la Louisiane, il faut bien le dire, de ces côtés, puis qui suit au long cours. C'est-à-dire, tu vois bien que Dave Robichaud se trompe. C'est-à-dire, Dave Robichaud, souvent, on détruit notre territoire, mais des fois, quand il parle avec Clint, il voit bien qu'il l'a déjà perdu. C'est-à-dire, il est dans un lieu où on parlait encore français dans la rue dans les années 60. Plus personne ne parle français. Il parle un peu. Il y a tout ce côté-là. Et là, plus on avance dans la série, plus que j'ai le dit, c'est-à-dire, plus le contraste entre le monde humain et le monde de la nature qu'il décrit est déchirant, d'autant que la nature aussi a mangé sa grosse volée post-Katrina. Ça fait que même son lyrisme est un peu dévasté quand il cherche son contrepoint. Et c'est un personnage assez fou, Bob Robichaud. Je veux dire, tu as l'impression qu'il reviendra jamais comme un humain à peu près normal. Il est toujours en train de perdre son monde, là, finalement. Oui, ben là, c'est ça. C'est-à-dire, il y a un schéma, à un moment donné. C'est-à-dire, un des seuls défauts, d'ailleurs, que je trouve, c'est que la série s'étirant, ça devient presque improbable. C'est-à-dire, là, à un moment donné... Sa déchéance est presque pas possible. C'est ça. C'est-à-dire, il y a un moment, tu dis, ben là... Il va se suicider à un moment donné. C'est ça. C'est-à-dire, là, tu dis, OK, Dave, tu le sais qu'il va toujours avoir un moment où la violence du crime va le faire. Il va aller prendre un coup, il va péter la gueule à quelqu'un. Mais là, tu dis, depuis le nombre de fois qu'il fait ça, il sera à l'asile. Là, tu sais, il y aurait plus personne qui le ferait travailler comme policier. Mais est-ce que ça serait probable qu'il le... Qui le sauve d'une certaine manière, qui s'en sort de l'alcool Je sais pas, mais en même temps, c'est-à-dire, moi, je pense que c'est le piège de la série, puis j'essaie, ça, je peux en parler. Ce que j'aimerais faire avec cette série-là, c'est un peu de prendre le contre-pied de ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu le fais vivre, mais juste dans l'âge, tu sais, c'est-à-dire, si tu calcules, Dave, il doit être rendu quasiment à 80 ans. C'est-à-dire, la série commence il y a 50. Puis il y en a un autre qui vient de sortir qui s'appelle Creole Bell. Oui. Petite de Mississippi John Hurt. Oui. Et puis, Ben là, il faudrait peut-être effectivement que ça arrête. Oui, ben tu sais, c'est-à-dire, là, tu dis, c'est parce que là, la logique, tu dis, tu peux enterrer une femme, deux femmes, mais là, il est rendu à la quatrième. C'est, ouais, c'est ça. Là, tu dis, bon, OK, le tragique et le côté écorché vif, tu sais, ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te serais consumé. C'est comme ta façon de vivre. Et on va s'habituer quasiment. Moi, c'est ça le défaut que je trouve ouais, quand je lis ouais. ça, où je me dis, mais là, écoute, on l'a déjà vu, là, pourquoi il ne s'habitue pas? Oui, oui, oui, absolument. Ça fait que moi, il y a un truc, ce que je voulais faire avec ça, puis je vais voir à quel point je le réussis, mais mon idée, c'était de faire quelques romans avec l'euro, puis qu'à un moment donné, Hiawatha prenne la place, parce que l'euro, quand il va arriver à 60, 65, ouais. comme tout bon employé de la SQ, il va prendre sa retraite, puis il va s'en aller s'occuper ouais. de sa chope à pêche, puis il va s'en occuper parce pour que vrai. Parce que Hiawatha est plus jeune que lui, je oui, pense. Oui, oui, oui. Ouais. Il est dans la trentaine, il a mon âge, en fait. Donc, c'est vraiment l'euro qui est allé le chercher. Donc, moi, l'idée, ça serait de faire... Ça serait un beau changement. Je vais voir si je le réussis, mais de faire vraiment un changement de ton, mais un changement de rôle. C'est-à-dire que là, pour les trois ou quatre prochains romans, comme Hiawatha et pas avec le roux, Hiawatha, ça devient un peu ce personnage qui arrive puis qui va rebrasser les cartes. C'est-à-dire quand tout est jamais, Hiawatha arrive puis... Comme il a fait dans 15%. C'est ça. Puis, soit sauf. Les... Ouais. Ouais. C'est ça, il dénoue les affaires, mais toujours avec un coup de force. Tout ben, ça. C'est comme Indri Tasson où Erlendur disparaît. Ouais. Ouais. Puis, carrément de l'histoire. Et ce que je voudrais faire à un moment, ben c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le roux prend sa retraite, il n'est plus là. C'est Hiawatha, on se focalise sur Hiawatha, mais là, le roux reviendrait comme ce personnage secondaire qu'on serait content de trouver, c'est-à-dire, mais dans un autre mode. C'est-à-dire, Hiawatha, quand il serait plus dans quelque chose de plus énigmatique, tout ça, il irait voir son vieux mentor pour se faire donner des conseils. C'est avec là, j'aimerais ça déplacer qui est le personnage secondaire de qui. Donc, tu nous dis que... Ton prochain livre, ça va être le roux. Oui, oui, oui, je suis vraiment dans ça. Oui, mais une petite question. Oui. Peux-tu écrire à temps plein ou il faut que tu ailles travailler? Non, il faut que je travaille. Oui. C'est triste. C'est ça. Oui. Parce que c'est triste. Ça va être long. Ça va être long. Non, mais moi, là, ça me désole toujours au Québec. Là. Surtout en plus que dans la taille de monde littéraire qu'on a, c'est-à-dire que ça devient presque... malédiction agréable, on s'entend, mais c'est-à-dire avoir un livre qui marche beaucoup, puis une chance que j'ai eu des gens pour me coacher là-dedans. Mm-hmm. C'est-à-dire que le premier effet, tu t'en rends compte au bout d'un an, c'est-à-dire que tu as un livre qui a eu un beau succès, tu n'as plus le temps d'écrire. Et c'est-à-dire que le premier effet de ça, c'est-à-dire de l'accompagner. Oui, parce que tu roules trop. Et il y a ce côté-là, puis tu ne peux pas. C'est-à-dire, c'est ça, je suis pas aux États-Unis, là, je me suis pas mis millionnaire pas, avec pas, ça. Je peux pas prendre une secrétaire personnelle puis dire je prends ma pré-retraite tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche, là. Ça fait que toi, t'as déjà, vraiment, pour tes plans, là, t'as toute une série en tête. Oui. Est-ce que tu vois... Moi, je tire des plans. Il y a des gens qui m'ont parlé de ça, c'est drôle, parce que tu vois, 15% dans... Oui. Il y a un moment où je pensais la mettre dans Arvida. J'avais le premier chapitre, la découverte du cadavre au début. Oui. Okay. J'avais ça dans Arvida, mais je disais, à un moment donné, je l'avais abandonné parce que... je disais, ça va être trop gros, puis ça va débalancer l'ensemble. J'ai déjà quelques grosses histoires, puis à un moment donné, ça va tout faire tomber. Fait que je l'avais mis sur la glace. Et donc, elle était déjà en bande depuis quelques années, mais là, j'ai un ami qui m'a fait réfléchir, un cousin, en fait, qui m'a dit, l'anecdote de 15%, tu m'as raconté ça, on avait 17-18 ans. Tu m'as raconté ça il y a quasiment 20 ans. Puis j'ai dit, c'est vrai. L'assassinat, là. Oui, l'assassinat, parce que ça vient d'un fait divers qui a eu lieu au Saguenay. Puis comme j'ai beaucoup d'amis... Dans ce fameux village-là de Saint-Léandre? Il n'existe pas Saint-Léandre. Okay. Parce que là, vu l'affaire de zoophilie, tout ça, j'ai décidé d'inventer... Ça, c'était très drôle. Ça, c'est une belle anecdote. Mais j'ai décidé de ne pas mettre le vrai nom parce que je réalise un peu plus ce que ça fait aux gens. C'est ça. Puis quand on se fait lire, on peut faire ça quand on n'est pas connu. Oui, c'est ça. Mais là, quand les gens... Mais j'avais déjà eu cet effet-là avec Arvida. Ouais. C'est-à-dire, j'ai eu à gérer à un moment donné... Qu'est-ce que c'est la différence entre un objet littéraire et un objet littéraire public à un moment donné? Oui, ben, Arvida nous a fait découvrir qu'on a beau appeler ça maintenant Saguenay. Chez vous, ça reste Chicoutimi, Nord, Jonquière, Arvida. On se trompe pas, là. Oui, parce que c'est des divisions. Les divisions, elles sont géographiques. C'est-à-dire, à un moment donné, tu es de l'autre bord de la rivière, tu es à Chicoutimi-Nord, tu es à Chicoutimi, tu es à la baie. Ben, tu es sur le bord de la baie, tu es à la baie. C'est un nom descriptif. Ça fait qu'à un moment donné, surtout que ces super villes-là, dans des latitudes comme ça, je veux dire, Saguenay, ça doit avoir 300 km de long. Là, à peu près. Fait que tu peux pas dire, je m'en vais à Saguenay, je reviens tantôt quand ça va te prendre 2 heures, parce que là, tu vas te faire poser de drôles de questions. Mais toi, tu vis plus là-bas. Non. Et est-ce que tu retournes? Beaucoup. Oui. Beaucoup. Ben, moi, mon père est toujours là-bas. Les parents de ma blonde sont encore là-bas. Ça fait que moi, des fois, j'ai pas l'impression d'être parti. T'as perdu pas mal moins ton accent que ta blonde. Tu trouves? Ah, oh, elle, elle l'a. Mais elle l'a fait un peu exprès quand même tantôt. Non, mais oui, c'est vrai qu'elle elle le garde peut-être plus. Moi, je le retrouve. Moi, je suis un éponge là-dessus. Ça fait que quand je suis là-bas, je le prends. Tu le reprends tout de suite. Mais quand je suis en Acadie, je parle en acadien. J'ai un accent acadien au bout de 24 heures. OK. Pour toi, là, le prochain Leroux, on l'attend pour quand et où? 2015. 2015. Oui. Chez Cartanier aussi? Ils vont aller dans le polar? Oui, oui, ben, le Cartanier. Ou ils te suivent, toi? Non, ouais, le Cartanier me suit là-dedans. C'est un trip, c'est-à-dire. Moi, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'écrire pour la jeunesse aussi, puis je le fais encore au Cartanier. On est sur ce trip-là. Mais ça sera le premier pour le Cartanier en jeunesse, il me semble qu'il y a. Premier en jeunesse, premier en polar, mais j'ai dit, moi, on a une bonne relation, tout ça, puis là, c'est de faire. De faire cette aventure-là. Ouais. Ça fait qu'on est là-dedans. Puis moi, j'ai beaucoup ce trip-là. Je me rends compte que ça m'anime ce genre de projet-là de dire, d'essayer des affaires. Tu sais, c'est-à-dire, des fois, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas un reproche que je fais aux gens, mais je trouve que avec la compétition, avec le genre de monde dans lequel on vit, souvent, on se spécialise trop, tu sais, on se concentre trop sur ce qu'on fait bien à un moment, puis on fait juste ça. Tu sais, moi, mon père disait que mon meilleur ami, quand j'étais petit, était le meilleur joueur de hockey à Arvida. Puis mon père, il le regardait, puis il disait, c'est un gars qui se met à côté du net, puis qui pousse la puck. C'est pas un joueur, c'est pas un bon joueur de hockey, ça. C'est un pousseux de puck. Puis moi, bon, on dirait que ça me reste, c'est-à-dire, littérairement, je ne veux pas être un pousseux de puck. Toi, tu veux être un bon joueur de hockey. Je veux apprendre tout, mais il y a un moment, je travaille même, je vais sortir ça à 50 ans, à 45, mais j'ai même un recueil de poèmes sur le feu que je travaille. Okay. Je trouve ça dur, la poésie, mais de temps en temps, j'ai des idées, des bouts de phrases, tu sais, qui vont pas dans le récit. Je veux essayer ça, le côté homme de lettres, j'essaye ça, je m'en vais à gauche. Il y a des écrivains comme Malville qui ont fini leur carrière avec la poésie puis qui avaient commencé avec le grand roman. Ouais. Et ta fidélité face au Cartanier, c'est quand même... ou le Cartanier face à toi, je ne sais pas trop, là, c'est réciproque. Oui, je pense que c'est réciproque. Parce que c'est une belle aventure, cette maison d'édition. C'est son 10e anniversaire, on l'avait souligné à l'émission. On a fait une demi-heure sur le Cartanier parce qu'on aime ce qui se fait là. Et pas juste tes livres aussi, les livres des autres. Ben on a une belle écurie. On vient de trouver un nouveau chroniqueur, d'ailleurs, à l'émission. Oui, on a recruté Daniel Grenier. Ah, ben vous allez avoir du soin. Il s'en vient le 21. C'est un chroniqueur opiniâtre. Mais oui, c'est une super belle relation. C'est une belle aventure. Je pense que moi, ce qui fait, on a une super relation avec la maison, avec l'éditeur, tout ça. Puis moi, tu sais, Arvida, j'ai traîné ça longtemps. Moi, j'avais une espèce de pudeur, d'orgueil. Peut-être parce que je suis enseignant en même temps. Il y a un côté, c'est-à-dire... Tu enseignes à quel niveau? J'enseigne au 3 cycles à l'université. C'est ça, j'enseigne la littérature. C'est avec là, à un moment donné, tu es toujours dans les classiques d'une certaine façon. C'est avec là, tu es arrivé avec ton affaire. C'est toujours un peu gênant. J'avais une espèce de grande timidité. Puis c'est vraiment Éric qui m'a encouragé déjà. Ouais. Il a édité ma thèse. Ma thèse de doctorat, je l'ai publiée dans une petite collection d'essais qu'on fait au Cartanier. Bon, tu vois, le coup de foudre avait commencé comme ça. C'est-à-dire, on avait engagé une réviseur universitaire pour relire ma thèse. Puis dans un mode universitaire, on est très tatillon, tout ça. Ça fait qu'elle avait peur et ça de correction, vraiment sur la syntaxe, sur comment j'écrivais. Et quand Éric était repassé sur le manuscrit, il avait fait sauter à peu près 80% des corrections en disant. Là, vous comprenez pas, c'est un écrivain, ce gars-là. Tu sais, il y a quelque chose, les phrases, c'est répétition. Tout ça, c'est pas des répétitions parce qu'il sait pas écrire, c'est des répétitions parce qu'il veut ça. C'est comme ça qu'il écrit. Tu sais, c'est ça, Et là, tu fais ah, tiens, ça a beaucoup commencé comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai beaucoup traîné tout seul dans mon coin, c'est-à-dire, j'ai un grand, grand fun. Tu sais, je travaille pour le théâtre aussi en même temps, mais j'ai un grand, grand fun à faire de ça, plus un travail d'équipe. C'est-à-dire, maintenant, au lieu de garder ça des heures et des heures et des années chez moi, avant de dire, regarde, maman, comment mon dessin est beau, j'aime ça pouvoir être un partager. Peu... Partager. Envoyer ça, Éric, j'ai un passage. Je trouve qu'il marche plus ou moins. Et dis-moi un peu qu'est-ce que t'en penses. Puis tu vois, dans 15%, il y a un moment avec les gens qui méditaient où on a vraiment ajouté la scène de... où Hiawatha va arrêter les suspects avec... Elle n'existait pas, cette scène-là. Ah non? Et donc, en jasant avec les gens, ils l'ont pas écrit à ma place, évidemment, mais ils m'ont dit, il me semble que dans le dernier tiers du livre, il manque une scène un peu plus épique. Puis ça, c'est la scène épique, finalement. Oui, c'est ça. Puis là, en y pensant, j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais tirer? J'ai regardé ça. Puis là, j'ai dit, OK, il y avait juste deux, trois lignes. T'sais, c'était par oui dire que Leroux recevait un téléphone et disait, ton gars est allé arrêter les gars. Puis là, j'ai dit, ah non, OK, ça, on va l'étirer. Puis c'est vraiment venu d'un dialogue, d'une conversation. Ça fait que ça, c'est un rapport super le fun. Ton portrait de bandit, là, déjà, tu connais, coudonc? je... Moi, j'ai un grand truc si tu veux écrire du roman policier. Il faut que tu connaisses beaucoup de police et beaucoup de mauvais garçons. C'est ça ce qui s'est dit ici. Et j'en hier. Connais beaucoup des deux. On avait une table ronde sur le polar québécois hier ici avec Jacques Auté, Richard Sainte-Marie et Benoît Boutillette. C'est ça ce qu'on s'est dit. Ils ont tous des contacts. Oui, ben moi, mon meilleur ami sur la terre est inspecteur aux homicides à la SQ. Un vieux chum, mon plus vieux chum. T'sais. Donc, ça donne des chances. J'ai d'autres amis dans la police. Puis j'ai, sans être un criminel moi-même, t'sais, j'avais été à Arvida. On savait qui était le gars un petit peu dans les moteurs, tout ça. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, traîner dans les brasseries, juste écouter ce qui se passait. Puis t'en as des policiers comme t'en as des petits malfrats. Puis moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, puis je veux garder, c'est des fois enlever le côté trop tragique ou trop... Il y a beaucoup de petites frappes là-dedans. Déjà, tu n'es pas dans le tueur en série avec dragon tatoué dans le dos. Il n'y a c'est pas vraiment assez de meurtres au Québec. Et Christine Brouillette l'a déjà dit, elle ne peut pas publier un mot de gramme par année parce qu'il y a des années ici à Québec où il n'y a pas de meurtre. C'est ça. Donc, tu peux pas. Puis moi au Saguenay, il y en a-tu des meurtres? Oui, il y en a. Oui, mais au 5-1-1? Non, là, vous êtes tous les deux dans le champ. Là, parce que en Islande, il n'y en a pas de meurtre. Il y en a eu un en 10 ans. Non, je sais. Ça empêche pas de risquer des parents. Ouais. Mais ça marche peut-être plus chez nous que chez eux, les lignes. Tu me poses la question. Ça vient de James Lee Burke aussi. C'est le côté... On aime beaucoup la psychologie dans le polar. J'aime beaucoup faire de la sociologie à côté aussi. C'est-à-dire, la psychologie de Leroux, ce qu'il pense, mais surtout, il y a de grosses réflexions. Leroux, ses réflexions, elles sont toujours un peu de nature. Il voit bien que le crime qui résout dans 15%, c'est une affaire... C'est des petits clins qui n'ont pas une scène, qui ont fait de la prison, qui n'auront jamais une scène, qui ne se réintégreront jamais, puis qui finalement, c'est un désir mal dirigé. C'est une tragédie, ça, dans le... C'est ça. Pour celui qui est déjà en prison, qui fait la commande, que pour les deux autres qui sont pris à essayer qui ont une dette de fou, puis qui savent qu'ils vont se faire clencher s'ils n'ont pas d'argent. Amis, tout ça, c'est super palpitant, mais si je veux annoncer ce qui s'en vient demain et les activités au salon, là. Fait que j'ai lancé l'invitation à ta blonde aussi, là. Si vous êtes un lundi soir en ville, vous êtes les bienvenus chez les bouquins. On n'a pas assez parlé de James Lee Burke. Je suis trop égoïste. On va se reprendre. Et merci. Je te souhaite que tu vas pouvoir vivre l'écriture pour que ça aille plus vite. On va trouver une façon. Donné, on passe en pause musicale et on revient. Salut. The things that I used to do, Lord, I won't do no more. I used to do, Lord, I won't do no more. I used to sit and hold your hand, baby, cry, begging you not to go. Nous sommes de retour à l'émission Les Bouquins d'abord. C'est déjà la fin de l'émission. Je remercie tous ceux qui sont déplacés pour venir me parler de leur livre. Geneviève Peterson avec La déesse des mouches à feu, Hélène Dorion pour Recommencement et Nous ne sommes pas seuls, Pierre Breton pour son livre de souvenirs d'enfance dans la Beauce, Sous le radar, Louise Dupré avec son album multicolore sur la vie de sa mère, Lionel Noël, Brouillard d'automne, un roman de guerre et d'espionnage à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et on vient de s'entretenir avec Samuel Archibald et Gilles Chaumel. On a parlé un peu de Burke, un peu de Samuel Archibald. Demain, je vais rencontrer Olga Duhamel-Noyer pour Le rang du cosmonaute, Geneviève Janel pour le roman Plein de toi, Catherine Lepage pour un petit livre qui s'appelle Fine tranche d'angoisse, il y a autant de textes que de dessins. C'est assez drôle. En tout cas, je sais qu'angoisse et drôle, ça va pas ensemble. Il y aura François Lévesque, on va parler d'une maison de fumée, Hans-Jürgen Greif pour son nouveau recueil Échard et la colère du faucon, et